Vous écoutez KFAI, Fresh Air Community Radio. Vous écoutez Bonjour Minnesota. we don't have our script tonight. You can call us at 612 341-09. Je sais pas pourquoi je le dis en anglais. Vous pouvez nous appeler au 612-341-0980 pendant les chansons ou adresse bonjourminnesota@gmail.com. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, on St. Paul, Minneapolis, 90.3 FM. Yes. And around the world on KFAI.org. Indeed. You are listening to non-commercial, community-powered radio, radio without boundaries. Yeah, bonsoir. No boundaries. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Et on promet qu'à 9h, nous aurons les le texte. Ah non, moi je fais sans script. Voilà. Sans j'aime script. Bien, ça et me voilà fait du bien. Ça, ah là là là là. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Romain, bonsoir Adrien. Bonsoir Freddy, comment ça va? Ben ça va, il y a les trois mousquetaires ce soir. Ouais. Ah. Ouais. Toujours pas de D'Artagnan, mais et bon, oui, non. T'étais tout seul, alors... Ni de Milady. T'es moins triste comme ça. Un peu. Ah. Je suis pas triste quand je suis tout seul. I'm not that sad. No, but you're... To be by myself. You're lonely and bored. To the point that you actually do Sudoku in between... I don't even know. Il est content quand on n'est pas là, Romain. Il est content. Ouais, ben viens, on s'en va. Allez, au revoir. Merci. Et même pas, ouais. So, yeah, you're listening to Bonjour Minnesota, and last week I was by myself. So they just like decided that it was not a good night to go. I wasn't really highly motivated tonight, like with the cold and stuff. Yeah. But that's just the beginning. You said you weren't coming. I was surprised to see you here. I said that maybe I wouldn't make it. And I decided that I didn't want to leave, like, listeners crying and being sad and stuff. So... Mm-hmm. It's December. It's a festive month, so we should celebrate some with music. Mm-hmm. And tonight we don't have any theme, so perfect. It's like a lot of the songs that I got recently, some from various sources and some from Bandcamp, and so it's like mostly new stuff. Mm-hmm. Attention. So should we be careful? Is no, but it could be new stuff. Like, I don't know if you have that on the playlist, but like Louis Chédid just came up with a new album. I didn't put. No, but new stuff doesn't mean that it's just, you know, like new stuff from the 70s. Sure. Yeah. Well, no, I mean Clue is from 2024. Philippe Catherine is from 2024. Iliona, Luan, nice. Bob Sinclair, yeah. Julien Doré, new album. Yeah. Giselle Papp, new single. Luigi, that Chloé selected. And Amadou and Marianne, it's like a best of. So that's kind of cheating. It just came out this year, but, you know, the songs is not like brand new, even though they have some new songs. But I played them recently. Mano is not new. Yeah, but I wanted to listen to it. Ah bon, I thought there was something new from Mano. Comeback here. I don't know. Ah. I don't know about it for sure. I know that. Oh, le nouveau son de Mano. And a lot of them are coming from like RFI, the playlist. And it's the playlist from October. RFI. So there's a lot of new things. There's going to be Lojo, O.O. and Thomas Dutronc, Mickey. Clara Luciani too. She has a new album. Oh, yeah. Oh, she's awesome, too. Yeah. Oh, my gosh. She's... All right. Well, we're going to start with Clue, with the song Longtemps, and two songs from Philippe Catherine. The first one is called Chez Philou, El Café Bar. It's more talking about, like, the neighborhood cafe and how it happened in France. And then Total à l'Ouest, completely à l'Ouest. And West is, when we say... Être à l'ouest is to be completely to be lost. Yeah. To be confused. Yeah, completely lost and not on topic and stuff. It's from his album Zouzou. Ah, Zouzou. All right. Eh ben, c'est si parti. C'est Zouzou, alors c'est parti. Bah, oui. Zizi. Comme debout les Zouzous. Sur la vitre ensoleillée, tu sais que même s'il pleuvait, je braverais tous les orages. T'as cru que j'allais me noyer dans les grains du sablier. Ce matin j'ai tout cassé pour éviter le naufrage. Mes nerfs n'ont rien de l'acier. feuille tout de goût, tant pis si je fais des ravages. Tu peux rougir, tu peux rire, mais tu ne peux pas me fuir. Ça fait longtemps, longtemps que je me tais, longtemps, longtemps que je retiens ma vérité. Je compte les heures, les gens, mais qu'est-ce que j'attends? Se retrouvait chez Filou, il y avait des gens qu'on aime, l'amiral et l'ami Greg, autour de la guitare sèche. Agathe regarde Filou, on le sent bien qu'il s'aime, on danse à tomber la veste sur Power de Kanye West. Rideau baissé à 2h, là on peut fumer les clopes quand on va pas aux chiottes, repasser l'aspirateur. Des fois on dessine des heures avec Phil, avec Fleur, Pierre et pas Félicien Robs, tout le monde est dessinateur. Maintenant, quand je repasse devant chez Philou, c'est un toiletteur pour chien. C'est là qu'on se faisait des bisous, là où il y a le dalmatien. En 2012 au mois d'août, il a revendu Filou. On s'est trouvé comme des chiens, sans collier, sans point commun. On se retrouve plus chez Filou, il y a le réchauffement climatique. Moi j'ai très froid sans vous, sans réponse épidermique. Quand je repasse devant chez Filou, c'est un toiletteur pour chien. C'est là qu'on se fumait les pétous, là où il y avait le dalmatien. Croisement de la rue Rodier et la rue Condorcet, ça me fait bien chier de dire, mais c'est à l'imparfait. C'était chez Filou, c'était chez Filou. J'ai très froid sans vous. Claire, Gaël, Lamoun, Fred, Florence, Clairette, Gaëtan, Victor, Seb, Alan, Louise, Monet, Fifi. J'ai très froid sans vous. Sur le rien, encore moins sur le tout. Qui du soleil ou de la terre se tourne autour? Qui, je l'oublie toujours. Moi je suis total à l'ouest, moi petit bichon maltais, positif à la côte est. Ah, c'est celui qui dit C'est à l'ouest qu'on voit le soleil se coucher. Et c'est à l'ouest que tourne l'usine à rêver. Et c'est là que je suis né pour au troubadour. Non, sans trompette ni tambour. Mais plus tu iras vers l'est, tu te retrouveras à l'ouest. Tu t'avances et moi, tu sais. Ah, oh, c'est celui qui dit qu'il est. Total à l'ouest. Aussi vite que une vie de papillon, c'est deux jours environ. C'est court et c'est long quand on est total à l'ouest. Le temps est bien plus digeste sur qu'on me traiterait de niais. Oh, c'est celui qui dit qu'il est total à l'ouest. Bien sûr, tu ne vois rien, tu comprends rien, tu sais pas bien, mais au moins tu ne connais pas la vie de ces gens qui parlent en statisticien. De ces gens académiciens, total GPS, pas total à l'ouest. Hello, welcome back. And Freddy, what did we listen to? Well, we just listened to three songs. The first one was from Clou, and Clou like a nail in French. And the name of the song was Longtemps, long time. And the album is À l'évidence, and it's part of a new album. Then two songs from Philippe Catherine. And I didn't pick the song from the Olympics opening. Catherine, this controversy. His song New or Naked is in the album, but it's his new album, Zouzou. And the first song was Chez Philou. And Philou is like a nickname for Philippe. Mm-hmm. And then Total à l'Ouest is what we just listened to. Mm-hmm. So Philippe Catherine, just for those who may not know his name, you would probably, you may have seen him on TV. He's also he was during the Olympic ceremony, the opening ceremony in Paris. Yeah. He was a guy in the blue that was singing. Nu. Je suis tout nu. Yeah. And he was. But he's also a well-known actor. Very well known. Actually, he's a he's like not just an actor. He's famous for those at least like us who know him for like satire and humor. His humor and of course a lot of people him, but it's always a parody or something. And he's also pretty edgy. Yeah. And he looks like sometimes he's simple, but he's not. No. All right, so we're going to listen to more songs tonight, new songs and all. We're going to listen to Iliona with Rater une rupture pour les nuls. So, missing a breakup for dummies. Mm-hmm. Pour les nuls is the for dummies like series the books. In France. Yep. Yeah. And Luan with two songs. The first one is Toi, and the second is Demain. And it's from an album called Solo, but it's l'édition Foudre or Lightning. So, all right, on y va? Eh bien, on y va. And if you want to see the playlist, you can go on kfi.org and on the top right corner, there's a playlist button. You click on it, you scroll down, and you'll see the song that has played. Yep. Thanks for the reminder. You're welcome. tu m'as dit désolé. Puis t'as pas perdu temps avant de dire à tout le monde que c'est moi la torée. Je me demande bien ce que tes potes t'ont retenu de ces années. Sûrement tout sauf l'amour et tout ce que j'ai donné sans jamais ne rien compter. Moi non plus je ne voulais pas que ça s'arrête comme ça, mais tu n'écoutes que toi. Je voulais juste réussir ça, réussir notre rupture, mais même ça tu veux pas. Je m'efforce de ne pas penser à tout ce que t'as abîmé. Mes peurs les plus gardées que t'aimais bien ressortir pour voir si ça me blessait. Les soirs à me mentir, à rentrer déchiré. Première chanson sur scène, t'as pas pu venir, t'avais passé la nuit à te faire. Moi non plus je ne voulais pas que ça s'arrête comme ça, mais tu n'écoutes que toi. À toi, en rentrant d'aller boire un verre avec des filles que tu connais pas, j'aurais aimé ne pas me sentir seule. Je crois que ce garçon me plairait, mais bien sûr j'y vais pas. Il cache sûrement un lourd secret, ou pourquoi voudrait-il de moi? Tu voulais me faire sentir seule. Moi je t'aime et t'aimerais, mais tu me rends mis. Je ne répare pas tout. Moi je t'aime et t'aimerais, mais tu me rends minable. J'ai arrêté les cigarettes et j'ai plus peur de toi. J'ai recommencé à faire la fête, à ne plus avoir peur de moi. Tu voulais me faire partir seule. Y'a toujours un nouveau chemin que j'avais pas vu en moi. On soigne un trauma à la fois, pourquoi y a pas de médaille pour ça? Tu prédisais mon avenir seul. Moi non plus je ne voulais pas que ça s'arrête comme ça, mais tu n'écoutes que toi. Moi non plus je ne voulais pas, mais tu me rends minable. Tout ce qu'on a vécu, le temps s'arrête. rappelles du jour où t'as compris. T'as réparé les morceaux de ma vie. Doucement tu m'as dit je suis là. Et mes peines se sont accrochées à toi. Mais quand tu me touches, le reste n'existe plus. Le temps s'arrête, mon cœur s'arrête. Tout près de ma bouche, de tout ce qu'on a vécu. Le temps s'arrête, mon cœur s'arrête. Si presents great moments in Minnesota ingenuity. Today, we take you back to the 1927 State Fair. Honey, the kids are still eating. If we don't get them out of here soon, we'll go broke. If we could only find a way to get them quickly but safely sick. Thus, the Tilt-A-Whirl was born. Just like KFAI, its non-commercial, community-powered radio is confusing and makes your head spin, but you just keep coming back for more. KFAI, where community and centrifugal force grows. And we're back, and you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio with Adrien, Romain, and Freddy. And it's 8:30 here in Minneapolis, and it is 3:30 in Paris. Oh, sorry, not Paris, in Cannes. That's what yeah. But you know what? In Paris, too. They're not on the same time. Well, they are on a totally different timeline, I'm sorry. Yeah, they're totally at Truth West. Truth be told. Yeah, totally at West. Okay. We just listened to Ilona with Rater une rupture pour les nuls. Then two songs from Luan. The first one was Toi, or You, and the second one was Demain, or Tomorrow. And that was pretty nice. So they're one-word titles. Yes, mm-hmm. Yes. She did a lot of that on this album, Solo. And now we're going to listen to more songs. So the two songs we're going to start with. So because I cannot play three songs in a row from the same album, I kind of mix and match. So we're going to listen to two songs from Bob Sinclair and one from Julien Doré. And after that, we'll listen to one from Bob Sinclair and two from Julien Doré. Yeah. Oh, my God. Dis-moi, Michel. Merci. You must be working for the government. Ah, mais oui. Attention à tous ces secrets. So, Bob Sinclair with Un regard, un sourire, a look and a smile. And then La vendeuse de glace, the lady who sells ice cream. And it's from the... Friend Touch, Bob Sinclair, DJ Yellow, Volume 1. And then we're going to listen to a funny song from Julien Doré called Allez Crocodile. And it's from his latest album, Imposteur. Right. And the reason he's calling it Imposteur is because it's full of covers. Ben voilà. None of the songs are from him. Ben non. But they are still pretty fun. And he really changed the songs also. So that was pretty cool. Super. On y va? C'est Allez. Parti. Un regard, un sourire et l'on rêve. S'en allant à la guerre, disait au revoir à ses petits enfants, traînant ses pieds dans la poussière. Il s'en allait combattre les éléphants. Danse, allez, croc-croc-cro, le croc-croc-cro, le crocodile. Sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, croc-croc-cro, le croc-croc-cro, le crocodile. Sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ils fredonnaient d'une marche militaire, dont ils mâchaient les mots à grosses dents. Quand il ouvrait sa gueule tout entière, on croyait voir ses ennemis dedans. Les croc-croc-cro, les croc-croc-cro, les crocodiles. Sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, croc-croc-cro, les croc-croc-cro, les crocodiles. Sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. géant. Mais près de là coulait une rivière. Le crocodile s'y jeta subitement. Danse, allez, croc, croc, croc, le croc, croc, croc, le crocodile. Sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, croc, croc, croc, le croc, croc, croc, le crocodile. Sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, croc, croc, croc, le croc, croc, croc, le crocodile. Sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, croc, croc, croc, le croc, croc, croc, le crocodile. Sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. KFAI is a proud sponsor of the Landmark Live Concert Series, showcasing the finest women in folk, roots, and Americana music at St. Paul's historic Landmark Center. The next concert is Friday, December 20th with Annie Mack. Raised in North Minneapolis and currently living in Rochester, Annie Mack has worked her way through the Midwest scene and built a reputation as a powerhouse blues singer and a soulful songwriter. Concert starts at 7:30. It's preceded by a cocktail hour at 6:45, where you can meet the artist and KFAI DJs. Tickets and more info available at landmarkcenter.org. Et voilà, voilà, voilou, back. We are back. It is 8:43 on KFAI. Bonjour, Minnesota. Yes. What did we listen to? Well, we listened to three songs. So the first one, the two first one were remixed by Bob Sinclair. The first one was from Tom and Joy with Un Regard, Un Sourire. And the second one was from Clémence et les Huines with La Vendeuse de Glace. And the last song, Julien Doré with Allez Crocodile. Voilà. Allez Crocodiles. Yes. And we're going to keep going with a series of still Bob Sinclair and Julien Doré. Bob Sinclair is going to be first with Quelle Sensation Bizarre. Ah, bah, c'est sûr. What a weird sensation or feeling. Then Julien Doré with two songs. The first one is a cover from Mylène Farmer called Pourvu qu'elle soit douce. Mm-hmm. Hopefully they are soft. Mm-hmm. And she was talking about women. About her butt. Yeah, I think so. Well, about buttocks. Yeah, okay. Yeah. Mm-hmm. Well, I didn't know that much detail, but oh yeah. I mean, listen to the to the words. I do sometimes, mm-hmm. but not always. Yeah. And then Julien Doré, Francis Cabrel, with a cover from William. What's his name? Oh, oui. Scheller. William Scheller. Oh, yeah, okay. Un homme heureux. Ah, okay. Bah oui. We should explain Mylène Farmer as kind of a little bit like a Madonna of France. Yeah. Very dense, very controversial. But c'est parti. Yeah. Yeah. And she lives in Québec. Maintenant. She's from Québec. Mm-hmm. Cool. But she, yeah. On y va? C'est ouais. Parti. Je ne saurais dire. presque 2 heures. Juste 2 heures. Bon, hein. Quoi d'autre de nouveau? Vous voulez un prêt? Oh, j'y suis décidé de toute façon. Bien 100 ans d'âge, mon Dieu, que c'est démodé. Le nec plus ultra en ce paysage, c'est démêlé de côté. Ta majesté jamais ne te déplace sans ton petit oreiller. À jamais je suis ton unique classe, tout n'est que prêt à payer. Tu fais des hauts, des hauts derrière ton ouvrage, quand mon petit pantalon. Debout et de dos, sans perdre courage, dénu de tes obsessions. Tu t'entêtes à te foutre de tout, mais pourvu qu'elle soit douce. D'un poète, tu n'as que la lune en tête, de mes rondeurs, tu es chaos. Et tu t'entêtes à te foutre de tout, mais pourvu qu'elle soit douce. D'un esthète, tu n'as gardé qu'un air bête, tout est beau si c'est vu de dos. Prose ou poésie, tout n'est que prétexte, pas la peine de t'excuser. Muse ou égérie, mes petites fesses ne cessent de t'inspirer. Je fais des A, des O, jamais ne me lasse, par amour pour un toquet. Ne faut-il pas que jeunesse se passe, à quoi bon se bousculer? Et tu t'entêtes à te foutre de tout, mais pourvu qu'elle soit douce. D'un poète, tu n'as que la lune en tête, de mes rondeurs, tu es chaos. Et tu t'entêtes à te foutre de tout, mais pourvu qu'elle soit douce. D'un esthète, tu n'as gardé qu'un air bête, tout est beau si c'est vu de dos. Et tu t'entêtes à te foutre de tout, mais pourvu qu'elle soit douce. Et tu t'entêtes à te foutre de tout, mais pourvu qu'elle soit douce. We'll be right back.

And the second one was a duo with Francis Cabrel, and it was Un Homme Heureux, a happy man, which is not really in the song. He wants to be one, but... And it's from William Scheller. It didn't sound very happy, but that's okay. Well, he wants to be happy. Yeah. He's not happy. Yeah. He wants to be a happy man, so he wants part of the happiness that others have. Mm. Yeah. Beautiful song. It is. Mm. It is very much. All right. Vous écoutez Fresh Air, radio communautaire, KFAI 90.3 FM, Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You're listening to Fresh Air, community radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, Saint-Paul, and streaming at kfai.org. The show, the program you're listening to is Bonjour Minnesota, non-commercial, community-powered radio. All right, and all the shows are archives. Yeah. They're archived on kfai.org for 2 weeks, and after that on archive.org, and it's back on. There's just like one show I cannot like edit the songs, but otherwise I've been able to add all the shows that we're missing. Bravo. Is AI like throwing you off on the spinny run? Say that again. Tonight? AI throwing you off again? No. Where it recognizes a wrong song? No, he recognizes most of the songs. Really? Yeah. Mm-hmm. It depends on the songs too. I mean, like the songs, Julien Doré, Bob Sinclair, that was kind of easy. The new songs. Yeah, Louane, Philippe Catherine, it's pretty recent. We'll see a little bit later because there's some Amadou and Mariam and Trio and Mano. Might be a little bit different. Mm-hmm. But let's talk a little bit about the event. On Thursday the 5th, between 6 and 7, there's still the guided tour of Sophie Calle. Calle or Calle? Calle. Calle. Exhibit at the Walker. It's in French. It's with Martine Sauré. If you want more specifics, you can go to afmsp.org. There's a small fee for members, a fee that's a little less small for non-members of the Alliance Française. Mm. But I would, because it's this coming Thursday, I would definitely go to afmsp.org and call them because it's getting close. I don't know how many people they accept. So check them out. Saturday, there's going to be the Petit Dej between 9:30 and 11:30 at the Alliance Française, so afmsp.org, and it's 227 Colfax Avenue North in Minneapolis, Minnesota, and it's a French conversation group, and you just feel free to go. You can also get some espresso and that sort of thing. But at the same time, from 9:30 to 12:30, there's going to be the Marché de Noël. And I recommend that you go on Facebook or at afmsp.org because there's a whole list of vendors, and I'm not going to name them all, but it's going to be very nice. There's like handmade bags, paintings, glass art, embroidered bags, jewelries, and things like that. So it is this coming Saturday between 9:30 and 12:30. And then on Wednesday, December 11th, so it's next week, Les Navigateurs de la Littérature, and it's going to talk about a book called Tout le Bleu du Ciel, All the Blue in the Sky, and it's online. So afmsp.org to get the link and that sort of things. As far as I know, there's no cost to it. And then last but not least, Afutaï Fall Winter 2024 program. It's at the Center for Performing Arts at 3754 Pleasant Avenue in Minneapolis. Mm-hmm. And if you're interested in dances, drumming, singing lesson with Afutaï, in Haitian dance, that's for you. So one of the ways is either to go to our Facebook page and look at the event, or you can also go to www.afutaidimaco.com. Et voilà. If you have any questions, feel free to contact us too at bonjourminnesota@gmail.com. And I think that's it for now. You know, déjà I mean, with the holidays and still the European Christmas market yeah, going on Paul. At the Union Depot in Saint Paul, so it's not specifically French, but the Alliance Française has a stand. Valérie's Kitchen. Yeah. So there's some French food. Yeah. So and there's a lot of non-French things. Yeah. Really a lot of European things. Yeah. Yeah. So that should be fun. All right. So we're going to keep on listening to music. The next song coming up is from Gisèle Pape, or Papy, I'm not sure. And it's called Vivre. And it's more about, like, you know, what our parents did and do. Should we feel bad about it and that sort of thing. Mm-hmm. Then Luigi with Monde, or The World. It's featuring Ryan Coffey. And Christophe Willem with La fin des choses. Très bien, super. C'est parti. Eh bien, c'est très bien. Christophe Willem. Naître. Grandir. Bâtonner. Tomber. Marcher. Découvrir. Jouer. Casser. Apprendre. Obéir. Essayer, rater, pleurer, sourire, comprendre, oser, surmonter, bâtir. Sous les écailles, les carapaces, dans la nuit noire, nos cœurs balancent. Dans les hasards, les coups de chance, la vie éclate, les corps s'élancent. Sous les écailles, les carapaces. Les coups de chance, la vie éclate, les corps s'élancent. Aimer, construire, vouloir, ressentir, rêver, réussir, hésiter, détruire, risquer, mentir, tromper, se tromper, trahir. Attendre, refuser, fuir. Sous les écailles, les carapaces. Dans la nuit noire, nos cœurs balancent. Dans les hasards, les coups de chance. La vie éclate, les corps s'élancent. Sous les écailles, les carapaces. Dans la nuit noire, nos cœurs balancent. Dans les hasards, les coups de chance. Trébuchant la nuit noire, nos cœurs balancent.

le rêve est plus poli, comme un tableau de maître, figé dans l'infini. Gardons-nous les excuses qu'on aime tant la vie. C'est ainsi qu'elle m'amuse, sans un point sur le i. J'aime pas la fin des choses, encore une fois. Allez, viens, on met pause, on reste là. Parce que j'ai trop aimé raconter cette histoire. Parce qu'elle était cachée, je l'ai trouvée dans le noir. Puisque je ne sais pas comment celle-ci termine, je ne vous le dirai pas et je rembobine. J'aime pas la fin des choses, encore une fois. Allez, viens, on me pose, on reste là. We are back. We're back. Bonjour, Minnesota. Voilà, voilà. Voilà, ben, Freddie, what did we listen to? Well, puissance. We want the names of the songs. We want the names of the artists. Okay. Yeah. In that order? Because the name of the song was Vivre. And if you could also give us the name of the bass player. No. And Vivre was from Gisèle Pape. Mm-hmm. And it's a single. And I got emails from this label. Saying mm-hmm. like, hey, she has like a single or EP or stuff, and there are new artists that I really like Gisèle Pape and Freyel, not Freyel. No, the name is something like that, Freyel, or I'll find it. But that was Vives, that was the first song. Mm-hmm. The second one was from Luigi, it's called Monde, and I really like it. I like his voice, mm-hmm. it's very soft, and yeah. And just now was Christophe Willem with La Fin des Choses mm-hmm. from his album Panorama from 2023. Okay. I also find the Luigi Le Monde, the label is Fufun Palace. Ah. And I find that very amusing. I'm glad you mentioned that. Yeah, Thank you. I had to. So we're going to keep on listening to music. No specific theme tonight. No, which is good. An assembly of songs that I liked from mm-hmm. recently. We're going to listen to Joyce Jonathan with Tout commence par la fin. Mm-hmm. Mm-hmm. Everything starts with the big by the end. And it's from her album Toi et moi from 2022. And it's the one with Ibrahim Malouf. Ah oui? The famous trumpet player. Trumpet player. That's great. He's originally from Lebanon, mm-hmm. French-speaking yeah. Lebanon. Ah, okay. Yeah, he's fantastic. And by the way, Joyce Jonathan recently won in Beijing the Chinese version of something like, it was not The Voice, but as like X Factor. Mm-hmm. Okay. Like, something I like don't that. Know X Factor. Because, I mean, she sings in Mandarin. Yeah. And she won. That's pretty impressive. Yeah, mm-hmm. yeah. Yeah, she's amazing. And Ibrahim Malouf with M and Clara Luciani live. Have you seen that song, La Bonne Étoile? I think the M. Maybe I have. It's check it out. And Ibrahim Malouf has an album too, and is going to be on French Influences mm-hmm. 145 yeah. with a song called Au Revoir. Yeah. Mm-hmm. yeah. It's pretty cool. So we're going to also listen to Amadou and Mariam with C'est pas bon, no. Ce n'est pas bon, mm-hmm. it's not good, and it's about political corruption. And Trio with La Misère d'en face, the misery that's across. Across the street, basically. Across the street, across the border, yeah. across right. the ocean, across yes. whatever you want, but it's also... On the other side. On the other side, yeah. Wow. The misery from the other side. All right, on y va? Oui. C'est parti. Tes rêves et tes désirs, sans trop réfléchir. J'aimerais que tu me les dises, sans filtre et sans ajustement. Te parler simplement, aller, sans en faire des tonnes. Retirer tous les déguisements que je portais seulement. On tourne toujours tout autour du sujet. dans les mains dès le début du conseil. Être déjà debout avant que ne se rallument les lumières. Pourquoi tant de soupirs pour faire passer les heures? Faut-il attendre de mourir pour s'offrir des fleurs? C'est vrai, on tourne toujours tout autour du sujet. Sans être dans le vif, maintenant je veux du vrai, tu vois. J'aimerais que tout commence par la fin. J'aimerais que tout commence par la fin. Autant se le dire quand on s'aime, serons-nous toujours là.

So we listened to Joyce Jonathan, Tout commence par la fin. And then it was, so the one with Joyce is actually pretty recent, 2022. Mm-hmm. And oui. Then Amadou et Mariam, c'était Ce n'est pas bon. Uh-huh. And Trio, La misère d'en face, a live version. And these two were from new as of 1998. When we won the World Cup. Yay! Well, La misère d'en face, I don't know, because it's alive. So I don't know when he was from exactly. Yeah. Ce n'est pas bon is not a recent song, but mm-hmm. it's a recent best of, I would say. Yeah. But yeah. Well, great selection. We're still going on a Freddie's newest playlist here, and we have a few more songs for you. Yeah. Good. Should we go? Ben, yeah. Bien sûr. What are we going to listen to? Okay. So we have another lined up from Amadou et Mariam, Beau Dimanche. And then two songs from Ooh. Mano. Yeah. Mano, French. Celtic rap. Yeah, Celtic rap. Thank you. Mm-hmm. I was just looking for that perfect description. And so the first song is Ces mondes enchantés. These enchanted worlds, this mm-hmm. wonderful world. Yeah, worlds. They have a lot of fairies. I see trees of green. And then the second, it will be just slightly different. Yeah. This. And then the other one is Ma Fée. Mm-hmm. Oh, that's my great. Fairy. Ouais, my fairy. Voilà. Donc. Eh ben, c'est parti alors. Très bien. On y va. Demain je serai parti, la gare Dakar-Bamako, mon petit, y'a pas de problème, tout va bien, aujourd'hui je me marie, j'ai confiance, Amoul, Solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y'a pas de problème, j'aime au Manhattan, fast-food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, ascenseur pour le ghetto, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il, au paradis, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il. Va bien, Kairé, moi ici, toi là-bas. Le visa au consulat numéro 39. Y attend. À l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Cinéma, le Paris. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au paradis? Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au paradis? Bamako, Rio de Janeiro. Où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur. Ascenseur pour le ghetto. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma de Paris. Thank you. premier pas promis, doute premier sacrifice. Premier traçage de route unique dans la matrice. Je revois ces tours, ces châteaux 70. Et mes amours, mes épées de réglisse. Peut-être que le monde ne tournait pas rond à ce moment-là. Ou peut-être que mon moi est me chuchoté tout bas. Faut-il faire autre chose tout en se mouvant dans la prose. Combattre pour ma cause, trouver le nom de ma rose. Maintenant on va faire surface. Et attends l'ami, avant d'être efficace sûr, j'étais bien trop petit. Je revois mes kiffs. Paysage désolé, alternative déjà pour un voyage bien tout tracé. Une aventure, une quête, une épopée. Au-delà des structures que ce monde m'avait posé sous le nez. Je voulais rêver, voir d'autres vérités. Regarder quelque chose qui pourrait me faire voyager. Je sentais mon âme s'envoler au-dessus des tours du quartier. J'essayais de me laisser. Deuxième pas à la, me v'là plus grand. Héritier d'idées bouillonnantes, adolescent. Toujours aucun jouet dans la cour. Ouais mais pourtant, fallait-il se battre par amour. En attendant, avec les miens dans ce milieu un peu trop isolé. Je me sentais bien et je laissais mon esprit s'envoler. Je voyais mes plaines et ces rochers. J'enlevais les chaînes de mon quartier. Ce beau pays était l'endroit où tout était possible. Où des hommes sans foi ni loi s'amusaient à brûler des villes. Où les monstres et les dragons avaient les territoires. Et les plus grandes légions tuaient pour le pouvoir. D'un coup de dé, je renversais ces royaumes. Assis sur une chaise qui était pour moi le plus puissant des trônes. J'étais fort, j'étais fier, pouvant contrôler toutes ces histoires que je poserais un jour sur papier. Je sentais mon âme s'envoler au-dessus des tours du quartier. J'essayais de me laisser aller à découvrir ces mondes enchantés. Un grand pas plus tard, un peu plus loin, après quelques histoires et un bout de chemin. Je sens encore en moi la flamme de ce gamin qui un jour a tatoué mon âme. Un beau matin, j'entends encore ces personnages qui viennent me chuchoter que la vie est faite de nuages mais qu'il faut savoir regarder. Existe ce monde n'est guère qu'un jardin d'enfants. Ils peuvent faire de la galère du terreau bien différent. Comme pour ce monde qui ne faisait que kiffer d'une autre vie loin de l'homme qu'il pensait plus éclairé. De combats, de légendes, d'armure et d'épée. Ou devenir un roi est bien plus simple qu'en réalité. Malgré ça, un conte s'est doucement écrit. Celui que je raconte en résumant ce petit bout de vie. Le bonheur, c'est de croire, tout comme aujourd'hui, que ce petit bout de vouloir a fait beaucoup de magie. Je sentais mon âme s'envoler au-dessus des tours du quartier. J'essayais de me laisser aller à découvrir ces mondes enchantés. Je sentais mon âme s'envoler au-dessus des tours du quartier. J'essayais de me laisser aller à découvrir ces mondes enchantés. Je sentais mon âme s'envoler au-dessus des tours du quartier. J'essayais de me laisser aller à découvrir ces mondes enchantés. Sur la table d'à côté, plus de cheveux rasés avec une arcade défoncée. Me voilà seul à défendre comme toujours sur du papier le nom des miens gamins et ça tu ne peux l'oublier. J'y ai avancé tout droit, bien devant et en premier. Affronter des géants encore étant et même écrasé. Mais rien à faire, l'animal est resté sur ses pieds. Toujours fier et martial, comment voulait-il me plier. J'ai vu les vieux me casser les couilles pour de vieux airs de chansons. Mais comme disait un roi, il n'y a pas d'âge pour être un con. Et puis ces jeunes qui ont voulu me foutre la pression en faisant mon son. Mais ces abrutis savent pas et ils n'ont fait que me lécher le fion. Tu vois gamin, personne ici ne connaît mon histoire. Souvent on me prend le haut mais je sais qui est dans le miroir. Il y a les miens, il y a toi qui ne m'a pas jugé. Le jour où j'ai trouvé ma voix dans les yeux de cette fée. J'ai croisé le regard d'une fée entre Entre deux sons qu'écoutaient mes frères, j'ai croisé le regard d'une fée. Et dans ses yeux, je me suis perdu. J'ai croisé le regard d'une fée. Je sais qu'il n'y a rien à faire. J'ai croisé le regard d'une fée. Et pour elle que je sois pendu. Ma fée, c'est ma musique, c'est mon son, c'est mon sang. Toi-même, tu sais l'ami que je ne suis jamais dans les rangs. Ma fée n'est pas dans le rap, non, elle ne veut pas de sa couronne. Ma fée répète en vrac mon gars, non, qu'elle n'est pas bretonne. Ma fée, je la kiffe, elle est belle, elle est mystique. Et elle a des cheveux longs, des yeux de braise, elle est celtique. Jamais fâchée, ma fée, non, jamais en colère. Elle sait bien m'enlacer, ma fée, quand il fait froid l'hiver. Et elle me guide, elle m'écoute, sans jamais me lasser. Elle trace souvent les routes que je pourrais prendre, les yeux fermés. Je pourrais partir avec elle, tout seul et sans papier. Au-dessus de ses ailes, j'ai trop appris la liberté. J'ai croisé le regard d'une fée. Entre deux sons qu'écoutaient mes frères. J'ai croisé le regard d'une fée. Et dans ses yeux, je me suis perdu. J'ai croisé le regard d'une fée. Je sais qu'il n'y a rien à faire. J'ai croisé le regard d'une fée. Et pour elle que je sois pendu. Ma fée a ses racines, mais elle est jouée ses enfants. Elle n'est pas amusée, qu'elle essaie d'avancer en rampant. Elle a le respect des anciens, mais la vue dégagée. Elle sait bien d'où elle vient et a appris à voyager. C'est ça ma fée, ouais, celle que j'aime tellement. Celle qui me fait poser de l'encre sur du papier blanc. Et qui m'inspire, qui me guide, qui me compte souvent. L'histoire de tous ces hommes qui un jour sont devenus grands. Tu vois, gamin, je n'ai pas de soucis tranquille avec ma fée. Un jour on s'est croisés, on s'est tous les deux inventés. On se ressemble, elle et moi, plus fort et pour demain. Toujours ici ensemble et au nom des miens, gamins. J'ai croisé le regard d'une fée. Entre deux sons qu'écoutaient mes frères. J'ai croisé le regard d'une fée. Et dans ses yeux je me suis perdu. J'ai croisé le regard d'une fée. Je sais qu'il n'y a rien à faire. J'ai croisé le regard d'une fée. Et pour elle que je sois pendu. J'ai croisé le regard d'une fée. Entre deux sons qu'écoutaient mes frères. J'ai croisé le regard d'une fée. Et dans ses yeux je me suis perdu. J'ai croisé le regard d'une fée. Je sais qu'il n'y a rien à faire. J'ai croisé le regard d'une fée. Et pour elle que je sois pendu. KFAI is proud to present Bloodline at the Turf Club on Saturday, December 7th. Bloodline is joined by fellow local up-and-coming groups Vinnie Franco and the Love Channel, Tarius and the Sound, and the Dalmatian Club, covering a range of genres from dreamy pop to soulful R&B to indie rock. Tickets for Bloodline can be found at the First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details. And we are back. Yes, it is 9:43 on KFAI Radio, and you're still listening to Bonjour Minnesota with Adrien, Romain, and Freddy. And what did we listen to, Adrien? Oh, we listened to... So we did have a little change of route. We still went for Amadou et Mariam, but the song from Amadou et Mariam that we just listened to was Senegal Fast Food with Manu Chao. Yeah. You probably recognize Manu Chao's voice, and yeah, it was a really nice song. Very typical. Mm-hmm. And then we listened to the two songs from Mano. The first one, C'est Monde Enchanté. And the other one, the last song we just listened to, is Ma Fée, My Fairy could hear a little bit of the bagpipes and at the end. Les bignous. Cornemuse. Les bignous. Bon, les bignous. Mm-hmm. Ah ben oui, les bignous. Bah, oui. Ah ben les bignous. C'est les bretons. Hein, Les bretons, c'est les bignous. Chouchet, les bignous. C'était des petits bignous. And we are talking just like offline, we are talking about concerts, and I get confirmation that in January there's going to be a Café Accordéon Orchestra, who's going to be at the Dakota, mm-hmm. and we're all very likely to have tickets for it. We'll have tickets for it, actually, to give away. Mm-hmm. And it's with Hortense something. Yvette Horner, she's Clémence, dead. Clarence. Ah. I'll find the name. But she's the one who played in the Jacques Brel show. Yeah, Jacques Brel is alive and well and living in Paris. No, not that one. No. Oh, the one that we've seen at the theater in Minneapolis. I'll find it back. It was with Monsieur Chouinard. Ah, oui. Something, I think. And in February, Beau Soleil is going to be back at the Dakota, so we should also have... More to come. Yeah, we should also have tickets for that, but I'll be in France. And I'll be in France in January. Yeah. So you'll tell me about the Café Accordéon Orchestra, and I will tell you about Beau Soleil. Yeah, and it's Monday, so I should be able to attend. Yeah. Mm-hmm. So I'm planning on, if I can, Café Accordéon Orchestra probably will go. Yeah, good. Yeah. So are we going to listen to more music before the end? Oh, yes, we are listening to more music. Because next, I was just waiting for you to ask, because next is Clara Luciani, Tout pour moi. And after the next song we'll listen to is from Thomas Dutronc, the son of Jacques Dutronc. Jacques. Le Jaco. Le Jaco. Thomas came up with a song, Katmandu. It's from 2024. And like the city of Kathmandu. Like the city of Kathmandu, yeah. And the last song we'll listen to for this series is from Mickey, Échec et Mat. Ah, très bien. C'est parti. C'est parti. Thank you, RFI. T'es qu'un grain de poussière sur cette terre. Si on dézoomait le planisphère, je te tiendrai entre mes doigts. Je ne sais pas si l'histoire retiendra ton nom, ton profil, si tu écriras un livre ou un opéra. Un livre ou un opéra. Mais t'es tout pour moi, t'es tout pour moi, t'es tout pour moi, t'es tout pour moi. Let's go. partir à Katmandou. Je prendrai un vieux coucou et j'irai jusqu'au bout. Bout de ficelle qui viendra avec moi, partagera mes choix, partagera mon toit. Toi la matelas, venture en attendant, c'est beaucoup plus tentant que ton emploi du temps. Tant pis pour toi, je n'écoute plus personne, maintenant je vous abandonne, je quitte Babylone. Lonesome go bye bye bye bye bye bye bye. Je taille taille taille taille taille là-haut. Une certaine légèreté, un petit genre décolleté, elle s'appelle liberté. T'es la plus belle, je vais me faire la belle et déployer mes ailes et manquer à l'appel. Elle a gâteau, n'osera pas me dire en face que tous tes rêves s'effacent. J'aimerais être à ma place, as de carreau, milieu de la pampa, pas de fils à papa, je serai le pacha, chapeau de bye bye bye bye bye bye bye. Je taille taille taille taille taille. Du genre garde à vous, je viens plus au rendez-vous, je travaille plus pour des clous. Clouer le bec, canou bien camping-car, je trimballerai mon plumard d'ici à Zanzibar. Barata passe, que j'aime faire ce que je veux, je fais le vœu de le faire, je veux pas d'en faire sur terre. Terrien, terrien, des papayes au menu, style chasseur de corail, doigts de pied en éventail, taille, taille, taille, taille, taille, taille, taille, taille, taille, taille, taille, taille, taille, taille, taille, taille, taille, taille, taille, taille, taille, taille, taille, taille, À 19h j'ai bloqué sur un mec, 19 mois pour qu'il me sorte de la tête. Le garçon a la tête de requin, ton nom est placardé sur toutes les grosses caisses. Je vais sur mes grosses fesses, je me suis paumé dans la boîte de nuit. Le DJ voulait pas passer mes sons, en même temps j'aurais fait la même devant une meuf qui est aminée, pâteuse, pétasse, qui lui parle comme un moniteur de camp de vacances. Genre qu'avec des geekos, des dilos, car je kiffe les mecs qui sont pas que dictam. Mais j'avoue, j'ai vu la limite, le dernier m'a poussé à bout de mes antivomitis. Chaque, chaque, chaque est mat, mat, mat. À deux doigts d'un échec et mat, mat, mat. Moi je suis échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. Et puis, on contre-attaque. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Les gens qui boivent tes bubble tea me dégoûtent. J'en fais partie. Au réel mélancolie, je mets des quais dans ma même si ça me gêne. Je kiffe les courses et qui draguent même si ça me gêne. Je laisse les traces de temps, je suis sur la selle. Ça me gêne et en même temps je trouve ça sexy. Comme une cravate au bout du cou, des cratères sur les genoux, le revers de ma jupe raccourci pour toi, pour faire passer le temps, chercher des stages au pif. Copiant collant les lettres de motivation. Attends, attends, laisse-moi faire encore un pâté de maison, juste pour écouter un dernier son. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. À deux doigts d'un échec et mat, mat, mat. Moi ça. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. Et puis, on vous pratique. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Tu sais, je peux me forcer à écrire un truc qui te touche, même si tu sais que si je veux j'accouche. Tu changes de visage comme de caleçon, un jour c'est bon, un jour t'es con. Comme quand t'aimes plaquer ma tête contre la plaque de la cuisinière. J'aimais l'idée que c'était pour me tenir chaud. Parce que sans toi j'ai froid. Sans toi je suis rien. Un guérisseur qui se rend que j'ai guéri seul. Je suis paumé comme la pomme pote au fond du frigo. Que personne n'ose plus toucher ni jeter. Car j'en vaux peut-être encore la peine. J'ai peut-être encore du potentiel. Moi j'y ai cru en tout cas. Échec et mat. À deux doigts d'un échec et mat. Moi ça. Échec et mat. J'aurais vraiment tout fait. J'aurais vraiment tout fail. Échec et mat. Et puis on voudra tech. Échec et mat. J'aurais vraiment tout fait. J'aurais vraiment tout fail. Et voilà, we are back for the last time. Oui, yeah, of the night. Yeah. Well, but yes, not we'll be back ever, next, ever. No, I mean, no, we'll be back next week. Mm-hmm. So we just listened to Clara Luciani, and she was singing Tout pour moi, Everything right. for Myself. Then Thomas Dutronc with Katmandu, and Mickey with Échec et Mat. I like Mickey. Thanks for that one. That was sweet. Yeah, that was good. That was pretty nice. So we're going to finish the night with a song, I think like maybe one or two. We're going to listen to Takiola. Yeah. And he's going to be with also SDM et Lilm. Mm-hmm. And the name of the song is Plaisir Nocif, Toxic Pleasure. Ooh. Yeah, I think so. Yeah. And if we have time, we're going to listen to Says with Esmeralda featuring Bambi. Okay. All right. So we'll be in the studio next week. Yes. Voilà. And in the meantime, bonne soirée, bonne nuit. Stay tuned for Balkan Jamboree. It's going to be a party here in Studio 4. Exactly. Follow us on social media and we'll be back. Voilà. On y va. Et thank c'est you. Parti. Have a good night. Quand je te parle de banane, je te parle de blessa, tu me parles du passé. Moi je te parle de place, mes envies de remplir Bercy. Quand je sors de banane, je suis censé ta dame, je suis venu pour manger. On peut tous se venger, en vérité j'ai pas peur du danger. N'en dis pas mon prénom, 6 du match, je suis debout. L'OPG prend des notes, on question que tu dénonces. Quand je sors de banane, je suis censé ta dame, je suis venu pour manger. On peut tous se venger, en vérité j'ai pas peur du danger. Sans forcément j'ai la tech, j'peux fêche en Adidas ou Nike Tech, ok. J'suis dans mon délire en chef, no cap. J'suis resté habile et focus, tu cap. Venir en fou dans ma tête, t'es bête. T'arrives en gamos, tu repars à patte. Ma chérie, t'es fraîche, t'es okay. Ma chérie, t'es fraîche, t'es qui veut jouer à la vache. Qui veut jouer qu'on l'attache. Numéro 10, j'fais des passes. Qui veut jouer en attaque, tellement de vermine. Ma chérie, doucement avec moi. Ma chérie, doucement avec moi. Elle veut lever pour acheter son vernis. Tu m'as saoulé, sur mon phone j'ai plusieurs notifs. On vivait un plaisir nocif, avec le verre et le violet pour me motiver. Avec toi je suis sans pitié, tu m'as donné ton cœur donc tu t'en niques. Sur un contrôle de police, on me demande même plus mon identité. Quand je te parle de banane, je te parle de place, tu me parles du passé. Moi je te parle de place, de mes envies de remplir Bercy. Quand je sors de banane, je suis censé t'adapter, je suis venu pour manger. On peut tous se venger, en vérité j'ai pas peur du danger. N'en dis pas mon prénom, 6 du match, je suis debout. L'OPG prend des notes, on questionne, tu dénonces. Quand je sors de Paname, je suis censé ta dame, je suis venu pour manger. On peut tous se venger, en vérité j'ai pas peur du danger. J'suis en merco, j'ai toutes les classes. J'étais pas le plus doué de la classe. Tu sais que j'ai trimé pour faire ma place. J'suis un skinny qui prend de la place. J'ai le produit des lions de la tâche. Je vois tout jalouse et spéta pour ma place. En buvette, j'suis pas prêt de voir le fond de la tasse. C'était moi qui perturbais le fond de la classe. Tu connais la technique, portez-moi la belle, on gère des vrais dossiers. Et là-bas, ils ont la haine aussi. Ils sont toujours en malin, on les voit négocier. On les allume, on les éteint en détente. Caresse la détente, sois bien précis. En chef, on gère les vrais dossiers. Elle joue la folle, on la fait bosser.